celui qui protège vos intérêts. Qu'apporte-t-il d'autre, non même pas de toi? Tu sais pour qui tu dois voter? Celui qui protège tes intérêts et ton livret, toute ta destinée. N'oublie pas d'aller voter pour celui qui protège tes intérêts. Non, n'oublie pas.